Le château du reliquaire par Jean d'Agrève. Chapitre 1er, le testament. Dans le cabinet à la fois élégant et sévère qui se trouvait à l'extrémité de cette étude de notaire, il y eut un silence où expiraient en rumeur les bruits de la cité. De temps en temps, une flamme plus haute du feu de Fayard, allumée dans la cheminée, jetait un reflet d'or sur les sombres caissons du plafond, mettait comme une coulée de sang sur le pourpre tapis de Perse. Maître Tapabor avait posé, sur la tablette de son bureau en acajou, la minute du testament de feu Achille Hector de Lorme, et pinçant les lèvres d'impatience, attendait une décision. Cependant l'ingénieur Henri Delbon ne se pressait pas de conclure. De ses prunelles hardies, d'où si souvent avait jailli l'éclair du commandement, il cherchait à déchiffrer les pensées obscures par derrière le front du tabellion. Maître Tapabor, ainsi qu'au temps déjà lointain de leur commune jeunesse, ne réveillait-il pas en lui un de ces inexplicables sentiments de répulsion contre lesquels on lutte, mais dont on subit obligatoirement le joug? Il n'avait point toutefois cette physionomie de Cotel et ces allures sournoises que prête aux traîtres l'imagination populaire. Au contraire, rond et jovial, avec joue de pleine lune, double menton à fossettes, yeux bien ouverts prompt à sourire de la moindre plaisanterie, il se présentait comme un de ces individus trop joyeux d'humeur pour être méchants, incapable, semblait-il, de calcul ou de rouerie mauvaise. Henri Delbon n'en éprouvait pas moins en sa présence de la méfiance et l'impression qu'il lui fallait se tenir sur ses gardes. Dans son existence, il avait coudoyé tant de personnages de moralité douteuse qu'il obéissait à présent à une sorte de préscience enracinée au plus profond de son instinct. Face au notaire, il apercevait, comme un avertissement, de fugitives lueurs perverses dans les regards gris, et il considérait, avec une quasi-appréhension, des mains que l'on se fût imaginées grassouillettes, potelées comme celles d'un prélat, et qui en réalité, osseuses, formidables, allongeaient un pouce démesuré et des doigts spatulés aux phalanges velues. Maître Tapabor anima la conversation, résuma ce qu'il venait de lire. « Vous avez entendu, le Décougeau vous laisse une rente annuelle de 20 000 francs, plus une sorte de manoir, dit château du reliquaire. Ce legs ne vous sera d'ailleurs définitivement acquis que sous conditions formelles. Vous devez, d'une part, habiter l'immeuble en question pendant 12 mois consécutifs, et d'autre part, conserver à votre service le valet de chambre de votre grand-père. Il vous est enjoint, au surplus, de parcourir et d'analyser tous les ouvrages d'architecture que vous découvririez sous ce toit. Cette dernière clause n'a d'ailleurs qu'une valeur d'intention morale, et j'aurais pu me dispenser de vous la rappeler, car nulle puissance au monde ne saurait vous contraindre à l'observer. » Ainsi qu'une sonnette au timbre grêle et fêlé, le rire du tabellion tinta en désaccord avec sa massive stature. Ne signifiait-elle pas que pour le gros homme, le scrupule ne commençait qu'avec l'obligation de respecter les lois? Un lambeau de conversation, insignifiant d'apparence, trahit pour l'observateur la véritable conscience d'un individu. Delbon répliqua assez sèchement. « Je n'ai pas la même façon de voir que vous. Peut-être ai-je trop longtemps vécu un sauvage pour penser en civilisé. Si j'accepte l'héritage, je m'engage à le respecter autant dans ce qui peut me déplaire que dans ce qui me plaît. On doit et on se doit de tenir ses promesses, surtout à un absent et surtout à un mort. » Maître Tapabor s'écria, peut-être un peu trop vite, « Vous acceptez donc ?» Delbon confirma froidement et non sans humour, « Certes. Ne serait-ce que par faiblesse naturelle pour l'original. J'ai couru l'aventure de l'Ancien et le Nouveau Monde. Je l'ai poursuivi en Nouvelle-Zélande, au Darfour, sur les bords du Yangtze, au Guatemala. Je l'ai rarement atteinte. Il serait amusant de la voir, en vain, recherche à l'étranger, pour la trouver ici, en France. » Maître Tapabor se leva pour signifier que l'entretien était terminé, et conclut, pincé, « À votre guise. Espérons que vous ne regretterez pas le temps perdu. Mon principal clerc va vous remettre la copie du testament. Souvenez-vous qu'une infraction à ces clauses impérieuses, non sans malice, Delbon souligna la contradiction, ne m'affirmiez-vous pas tout à l'heure qu'il convenait de les estimer comme non écrites? Maître Tapabor ne daigna pas relever l'interruption, mais sous sa moustache fauve, ses lèvres tremblèrent d'énervement. Il insista. Une infraction à ces clauses entraînerait la perte en totalité du legs, qui échèrerait alors en toute propriété à la pupille de l'institutrice libre de Maubuisson, la demoiselle Alix. J'ajoute pour mémoire qu'au cas où cette personne vous accepterait en mariage, le montant de la succession reviendrait aux hospices de Pontarlier. Vous voilà prévenu. » Il avança d'un pas. Delbon, sans bouger, remercia et interrogea. « J'abuse de vos instants, mon cher maître, excusez. Cependant, dites-moi encore, j'avais des raisons de supposer que la succession serait plus considérable. Comment me trompais-je tant dans mon évaluation ?» Le tabellion revint sur son interlocuteur avec précipitation. Sa grâce, placide et indifférente face, exprimait à cet instant une sorte d'anxiété. Sa réponse, pour préparer qu'elle fût, manquait d'assurance. « Effectivement, cette fortune a été considérable. De fâcheuses spéculations l'ont amoindrie au dernier moment. Le défunt me prenait volontiers comme confident. Or, malgré mes conseils, il était fort imprudent dans le placement de ses capitaux. Et si je n'avais usé, à votre avantage, de mon autorité d'ami, il vous resterait moins encore. » Là-dessus, il rompit définitivement l'entretien. « Au plaisir de vous revoir, mon cher camarade. » « Oui, au plaisir, » fit en écho Delbon, qui, cédant à sa sourde antipathie, ne put s'empêcher de lancer cette formule avec une intention caustique. Plus tard, bien plus tard, il devait se rappeler cet échange de politesse comme le liman d'épée de deux adversaires. Pour le moment, il descendait l'escalier, mécontent, agacé, dans une de ces dispositions d'esprit où il semble que tout est mystère autour de soi. Mais déjà il se moquait de lui-même. Sa raison positive dissipait des appréhensions sans fondement sérieux et ses pensées revenaient aux disparus, dont la sollicitude et l'humeur bizarre se manifestaient à son égard une ultime fois. Dans la lumière douce de son enfance, alors qu'il venait de perdre père et mère au cours d'une épidémie, il revoyait penché sur sa vie intellectuelle et morale ce grand-père maternel qui avait dirigé ses études, éveillé ses curiosités. Pourquoi donc avait-il fallu que, devenu original avec l'âge, le curieux vieillard se mit en tête, sans raison, de faire entrer son petit-fils aux beaux-arts pour être architecte? Sans doute avait-il pour lui la gloire des mansards, et surtout, par similitude de nom, celle de Philibert Delorme. Malheureusement, l'adolescent ne s'était pas du tout plié à cette fantaisie de l'aïeul. Il avait obéi à ses aptitudes très vives pour les mathématiques, en avait fait à son gré, et était sorti diplômé de l'école centrale. Dès cette époque, un peu de froideur s'était glissée dans les relations franchement affectueuses auparavant. Le grand-père laissa percevoir quelque humeur désabusée, et Delbon s'en aperçut particulièrement quand il annonça son traité avec une grosse entreprise dont il devait diriger les travaux à l'étranger. « Je pense comme le Normand, » avait apprécié le vieux monsieur Delorme. « Tu as peut-être raison de chercher de l'espace à ton activité dans les pays moins encombrés que le nôtre. Peut-être as-tu tort de t'éloigner du petit havre de tranquillité que je te préparais. L'avenir te fixera. » Henri Delbon en était à ce point de son soliloque intérieur quand, par la rue d'une relative quiétude provinciale, il déboucha sur le tumultueux grand boulevard parisien. La foule y allait, y venait, s'y pressait, dans à croire qu'on lui interdisait toute autre voie. Et ce coudoiement de tant d'allégresse, de tant de misère et de honte inconnues, Delbon, par antithèse, évoquait les solitudes, les déserts, les brousses qu'il avait traversées, où des hommes de toutes couleurs, à ses ordres, avaient édifié des usines, jeté des ponts et des viaducs, tracé des voies ferrées. Et il eût été encore là-bas, loin, très loin, si un entrefilet de journal, tombé par hasard entre ses mains à La Havane, ne l'avait brusquement arraché à ses occupations favorites et transplanté à nouveau sur le sol natal. Un choc soudain à l'épaule le fit retourner, mais le grognement avec lequel on accueille un heurt maladroit se termina par une exclamation de véritable plaisir. Il tendit une main dont on s'empare avec chaleur, et comme son caractère décidé se manifestait dans les moindres événements, il imposa. « Old man, ne restons pas ici, plantait-elle des bornes, l'un en face de l'autre. Nous gênerions la circulation et causerions mal. Vite, au café le plus proche. » Ils s'assirent vis-à-vis l'un de l'autre, séparés par la table, sans toucher aux consommations qu'on leur servit, sans accorder un regard au mouvement gracieux de deux jolies filles qui émiettaient une brioche comme pour la jeter au moineau. L'amitié entre hommes qui se sont vus à l'œuvre, se sont éprouvés et se respectent, est un sentiment absolu et fort. Or, ce lien unissait Henri Delbon et Jim O'Meara. Entre eux, nulle ressemblance physique. Néanmoins, leurs traits reflétaient une grande similitude morale. O'Meara était grand, large d'épaules, roux et lent. Delbon était petit, plutôt fluet, brun et vif, mais dans ses yeux marron clair, comme dans les yeux gris acier de son ami, couraient des lueurs pareilles d'énergie, d'audace, d'enthousiasme, et aussi de tendresse et de pitié. Le flegme imperturbable de celui-là, comme la bonne humeur sans cesse en éveil de celui-ci, masquait des émotions communes. Sous des surfaces différentes, vibrait une même sensibilité profonde. Delbon engagea la conversation. « Tu te souviens, Jimmy, des circonstances de notre dernier entretien ?» L'Irlandais répondit placidement. « Je me souviens. Elles étaient plutôt difficiles, périlleuses même. C'était dans une de ces républiques sud-américaines où les révolutions sont endémiques. Tu venais de me sauver la vie. » L'émotion rétrospective de Delbon ne parut pas rencontrer d'écho chez O'Meara qui compléta. « Paiement de dette. N'avais-tu pas eu également l'occasion de sauver la mienne ?» Et, repartit Delbon, « nous nous étions jurés de ne pas nous séparer, tout au moins de ne nous perdre jamais de vue. » O'Meara philosopha avec calme. « Nous étions imprudents, étourdis comme des babies. » Il reprit, très grave. « Les individus sont fous de prétendre commander la destinée. Effectivement, d'autres mois après, je me trouvais dans l'obligation de revenir en Europe pour veiller au mouvement de notre chère vieille Irlande. Toi-même, tu cinglais vers je ne sais quel parage. Des lettres que je t'adressais, aucune ne t'arriva. Toutes me firent retour. » Delbon constate avec mélancolie. « C'est vrai. On se jure de ne plus se quitter, et l'on ne s'assure même pas le moyen d'échanger des nouvelles. Le coup de surprise que me réservait le destin m'a un peu étourdi. Et j'ai honte de paraître t'avoir oublié. » L'Irlandais remarqua. « Non, il ne faut pas avoir honte, puisque ce n'était pas réel. » « Il est heureux que tu le penses. » Se réjouit Delbon, « car j'aurais été désolé que tu me condamnas sans admettre de telles réelles circonstances atténuantes. Imagine-toi qu'à La Havane, un entrefilet de journal m'apprit qu'un bien grand-père, avec qui j'étais en froid, m'instituait son héritier, sous conditions extravagantes. » O'Meara coupa court à d'inutiles renseignements. « Je sais, ton histoire a défrayé la chronique, et je me suis amusé à en tirer des conclusions. Je pense que si tu es revenu, c'est pour en avoir le cœur net. » « Oui, tu connais les principales lignes de l'affaire. J'aimerais que nous l'examinions ensemble. Ta lucidité à démêler les choses embrouillées me serait d'un grand secours. Lis donc la copie du testament que l'on m'a remise il y a une demi-heure. » O'Meara lut, but une gorgée de son vermouth, relut, rendit le papier et se prit à réfléchir. Delmont le tira de sa méditation par un « Eh bien, impatient. » L'Irlandais souffla sur sa manche où était tombée de la cendre de tabac. Finit de l'enlever d'une chiquenaude et prévint. Ma remarque n'a sans doute de valeur autre que celle que lui prête mon imagination. Mais, by God, pourquoi le sollicitor, le notaire, oui, le notaire ne t'a-t-il pas fait rechercher avec plus de soin? Pourquoi s'est-il contenté d'une publicité aussi insignifiante? Il aurait craint de te retrouver qu'il n'aurait pas agi d'une façon plus maladroite. Delbon l'interrompit. Voilà, justement, voilà, et par surcroît, tu ignores que mon grand-père passait pour fort riche et que son capital semble soudain s'être volatilisé, évaporé. O'Meara remarque avec humour. Un capital qui s'évapore aussi subitement se condense souvent en d'autres mains. Ton existence dans la maison où tu vas vivre en ermite projettera peut-être sur bien des choses obscures plus de clarté que tu ne l'espères. Je t'aiderai même bien volontiers si tu y consens et si... Il n'alla pas plus avant dans ses confidences, qu'il estimait sans doute prématuré, et tourna court. « Si j'en ai les loisirs. Rien ne m'amuse davantage que de chercher la solution de tels problèmes. » Et ses qualités d'ordre, de méthode, reprenant le dessus, sur son imagination intéressée, il conclut. « Le moment n'est pas venu d'élucider. La question n'est pas encore mûre. Remettons son étude à plus tard, car nous perdrions notre temps à envisager des hypothèses sans base solide. Songeons de préférence à achever la soirée ensemble. Es-tu libre ? » ?»« Comme l'Irlande le sera bientôt, » répondit Delbon, qui savait que nulle attention ne pouvait être plus agréable à son ami. O'Meara resta un instant rêveur, ébaucha un geste susceptible de signifier le découragement ou l'espoir, se murmura « qui sait ?» et secouant sa magnifique chimère, retourna gaiement à des préoccupations plus ordinaires. « Alors je t'introduis dans le grill room que tient à deux pas d'ici mon compatriote Barnaby Stick de Castle Bar. Nous y boirons un whisky à dérider le plus maussade fils d'Albion. Ensuite, nous irons digérer dans quelques théâtres à musique. » Cigare jeté, une heure après, les deux camarades s'installaient dans une loge de l'opéra. Delbon pressa le coude de Jim. « Tiens, regarde, voilà mon notaire, à droite, au fauteuil de balcon, à côté de la grosse dame Blette. Il n'a pas l'air de s'embêter. La jeune personne qui l'accompagne est un minois qui me revient. » Mais Jim ne tourna pas la tête. Il paraissait attentif au prélude et ses prunelles s'étaient embuées. Aussi bien ce minois candide, encadré de blondes anglaises, avait-il réveillé en lui le sourire torturant et doux d'une mignonne fiancée, de celle qui, dans l'île d'Émeraude, l'avait attendue fort longtemps, mais qui, moins constante que Solveig, avait fini par se marier.